Bien, excusez-nous pour ce petit retard. Questions techniques qui ne sont pas réglées. On espère qu'ils vont se régler au fur et à mesure. La séance d'aujourd'hui, elle porte sur la question de la mesure de l'islamophobie ou de la musulmanophobie ou du rejet de l'islam et des musulmans. On est en plein débat, terminologique. Pour ma part, je vais partir du concept, enfin je varierai entre les deux, mais la question c'est de mesurer le rejet de l'islam et des musulmans de manière générale. Qu'on l'appelle islamophobie ou qu'on l'appelle musulmanophobie selon les sensibilités et les susceptibilités du moment. On reviendra sur la question terminologique parce que la question de la mesure et la question de la terminologie, la question de la terminologie et la question de la reconnaissance d'un phénomène sont intimement liées. Je vous renvoie au débat récent sur la possibilité de mettre en place l'enquête Théo. Enfin, l'enquête Théo, c'est l'enquête trajectoire et origine. Je vais en parler un petit peu après. Ces débats-là ont porté essentiellement sur la possibilité de catégoriser et la possibilité de construire des statistiques, les statistiques qui ont été appelées statistiques ethniques. Avec une opposition entre des chercheurs qui était une opposition qui n'était pas seulement académique, une opposition qui était d'abord une opposition politique. Donc je pense que cette question de la terminologie liée à la question de la mesure sont, ça ne fonctionne pas, tant pis, intimement liées. Alors moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas tant d'avoir un échange sur la terminologie, je pense qu'on l'aura tout à l'heure, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui à la fois Marwan Mohamed, qui est porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France, et Bernard Godard, qui est ancien chef du bureau des cultes au ministère de l'Intérieur, qui est toujours consultant au niveau du ministère de l'Intérieur, et qui, durant de longues années, c'est un peu la mémoire de l'islam au sein du ministère de l'Intérieur, qui a, durant de longues années, travaillé sur ces questions, des questions liées à l'islam, l'intégrisme, de l'islamisme, etc., mais qui a également travaillé sur les enjeux de mesure au sein du ministère, les enjeux de chiffrage et la question de la terminologie qui devait être employée à cette session. Donc, je vous remercie énormément d'être là, d'avoir répondu présent tous les deux. Et après une présentation un peu rapide des différents modes de mesure existants aujourd'hui, on engagera la discussion avec une petite intervention de Bernard Godard, une intervention de Marwan Mohamed et d'un échange collectif par rapport à ces questions-là. J'aurais bien aimé avoir la possibilité de vous projeter quelques graphiques, je vais vous les décrire, c'est moins marrant. Alors, cette question de la mesure ne se pose pas qu'en France. Elle se pose en Europe, elle se pose aux États-Unis, et le premier pays à avoir engagé un travail un peu poussé de ce point de vue-là, c'est le Royaume-Uni, à travers un certain nombre de rapports dont on a parlé la semaine dernière, et au Royaume-Uni, un certain nombre de chercheurs se sont engagés sur la question du débat autour de la mesure. Et je vais partir d'un de ces chercheurs, James Kerr, qui est un chercheur qui travaille en Irlande et qui a écrit un article qui est disponible sur Internet, un texte où il essaie de comprendre la mesure de l'islamophobie et plutôt, en tout cas en Irlande, si ma mémoire est bonne, la non-mesure de l'islamophobie. Et utilisant un petit peu des références foucauldiennes, une conception foucauldienne des instruments de pouvoir, il estime, lui, c'est sa thèse qui est un peu radicale, que le refus de mesurer peut s'apparenter à un racisme institutionnel. Donc je pars de cette hypothèse de James Kerr pour introduire finalement la question française avec une question là qui n'est pas forcément radicale mais qui est un peu provocatrice. Est-ce que ces difficultés à mesurer ces formes de rejet-là ne peuvent pas être apparentées à un refus rationnel au-delà des arguments politiques et à une forme de mépris ou de racisme institutionnel? Est-ce qu'on peut parler de ça quand on lit et quand on observe à la fois les débats sur la terminologie, sur les questions de mesure, mais également les difficultés d'un certain nombre d'instances à reconnaître cette forme de racisme-là? Alors moi, je me suis basé essentiellement pour travaillé sur cette question-là, sur les rapports de la CNCDH. La CNCDH, c'est la Commission nationale consultative sur les droits de l'homme, qui rend depuis 1990 un rapport annuel. Ce rapport annuel résume, compile l'ensemble des données chiffrées disponibles sur la question du racisme, du rejet, des discriminations. Racisme, antisémitisme, toutes les formes en question. Et dans ce rapport-là, on a des notes des principaux acteurs institutionnels qui agissent sur le champ du racisme et des discriminations. Alors il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère de l'Éducation nationale, il y a les associations antiracistes officielles. Toutes les associations et tous les mouvements antiracistes ne sont pas représentés, présents, cités. L'exemple du CCIF, mais il y a d'autres associations antiracistes qui n'intègrent pas ces rapports officiels. Et donc, on a des éléments très intéressants, à la fois les données brutes, les données chiffrées, donc il est possible d'effectuer des séries longues, mais également des données méthodologiques sur la manière dont sont construits les chiffres. Je vous invite tout un chacun, c'est assez rapide à lire, de vous familiariser avec ces rapports qui sont très très intéressants, et notamment au niveau des débats terminologiques sur la manière dont il faut utiliser pour travailler sur la mesure de l'islamophobie. Alors, je passe rapidement sur la question du débat sur la terminologie, du débat sur la reconnaissance. J'espère qu'on aura cette discussion un petit peu après. Mais sur la question de la mesure du rejet sur une base religieuse, il y a une question plus générale qui se passe. C'est-à-dire que depuis jusqu'à la fin des années 70, la question de la religion, elle était relativement pacifiée en France. À la fois parce qu'il y a un équilibre qui avait été trouvé entre les grandes religions reconnues et l'État républicain, que la pratique religieuse et même les vocations étaient en déclin et continuaient à être en déclin pour un certain nombre de religions, notamment la religion majoritaire. On a pas mal d'études sur cette question-là. Et qu'au fond, jusqu'à la fin des années 70, la question du rejet sur une base religieuse ou la question de la mesure du rejet sur une base religieuse ne se posait pas ou se posait très très peu. La question du racisme, de manière très très forte sur la base des origines, de l'apparence, du nom de famille, elle reste la forme canonique de rejet et de discrimination. D'autres formes de rejet, d'autres formes de mesures se sont posées, d'autres débats sont arrivés, comme la question de l'égalité homme-femme, la question du handicap, etc. Donc il y a de nouvelles formes de discrimination et d'inégalité qui ont impliqué des débats et des échanges sur la question de la mesure. Mais la question du rejet sur la base de la religion, très peu. Elle était forte au début du XXe siècle, à une époque où l'anti-judaïsme religieux était, lui, également très fort et encore en vogue dans la question du racisme de manière générale. Mais le concept d'antisémitisme et l'approche par ce concept-là a synthétisé des formes de rejet du juif qui étaient des formes différentes de rejet du juif. Aujourd'hui, l'antisémitisme synthétise à la fois l'anti-judaïsme qui peut être religieux, il synthétise également le racisme culturel, il synthétise des formes de rejet d'inspiration politique, etc., etc., etc. Donc on a un concept qui résume des formes différentes. Alors que au niveau des populations musulmanes, de manière générale, qu'elles soient d'origine du Maghreb ou qu'elles soient originaires d'Afrique subsaharienne, pour la grande majorité d'entre elles, la question du rejet se posait en termes de racisme classique et de discrimination sur la base des origines. Alors, qu'est-ce qui a provoqué finalement l'émergence, cette prise en compte du rejet sur la base des origines? Quand on lit les rapports de la CNCDH, finalement, les choses se nouent au début des années 2000. Et les premiers à mettre l'accent, dans le rapport de CNCDH, la première instance à mettre l'accent sur la question de la spécificité du rejet sur une base religieuse, c'est le ministère de l'Intérieur. On peut voir ça au tournant des années 2000-2001, avec plusieurs éléments. Alors, ça ne s'est pas appelé islamophobie au départ par le ministère de l'Intérieur. Les premiers textes parlent d'anti-islamisme. C'est assez amusant, donc avec le concept d'anti-islamisme, c'est l'idée que finalement ce sont les formes les plus visibles, les plus intégristes, les plus radicales entre guillemets, les plus politisées de l'islam qui serait touché. Donc il y a une confusion là entre islam et islamisme qu'on a retrouvée dans d'autres écrits au fur et à mesure des années. On parle également de population arabo-musulmane de manière générale pour dire que finalement il y a un doute qui s'installe sur la distinction à opérer, en tout cas sur ce qui est visé, que ce soit la population arabo-musulmane ou que ce soit le marqueur religieux qui soit plus spécifiquement visé. Mais à partir de 2001, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, cette thématique se pose clairement, à la fois pour le ministère de l'Intérieur, qui commence à quantifier. Hein, les premières quantifications, c'est 2002-2003, où on a à la fois, je vais vous, enfin, dommage, je pourrais pas vous les montrer, je vais vous les décrire, une distinction entre le racisme anti-maghrébin et le racisme contre les musulmans, contre les arabo-musulmans. Enfin, il y a des distinctions qui sont opérées d'un point de vue rhétorique. Et la CNCDH emboîte le pas au ministère de l'Intérieur à partir de 2003 en intégrant des questions spécifiques à l'islam à son enquête d'opinion annuelle que je vais vous décrire un petit peu plus. Alors l'idée que j'ai, moi, c'est de vous présenter de manière générale à la fois les évolutions à partir de la mesure, la nature des données et la manière dont elles sont construites, d'avoir cette discussion-là, et de vous montrer, et ça me paraît assez important, que en tendance, ce sont des données qui sont différentes, qui sont difficilement comparables, mais c'est des données qui convergent. Des données qui convergent. Et à partir de 2008, on va avoir à disposition des enquêtes scientifiques, celles-ci, qui permettent d'isoler le marqueur religieux dans l'analyse des discriminations, que ce soit une enquête par testing qui a été menée par une équipe franco-américaine, ou que ce soit l'enquête TEO, trajectoire et origine, dont je vais vous parler incessamment sous peu. Je commencerai par parler des données mainstream un petit peu. Alors, il y a une hiérarchie dans les données qui sont offertes par les différentes instances. Et les principales données qui aujourd'hui sont utilisées pour parler du rejet de l'islam, et je vais me focaliser sur le rejet de l'islam, c'est bien un séminaire sur l'islamophobie, ce sont les principales données, c'est d'abord les statistiques du ministère de l'Intérieur, qui sont publiées tous les mois de mars dans les rapports de la CNCDH. Donc il y a les statistiques du ministère de l'Intérieur. Il y a, d'un point de vue médiatique, il y a les données depuis 2 ans de l'Observatoire de l'islamophobie. L'Observatoire de l'islamophobie, c'est une personne, en fait. Ça dépend du Conseil français du culte musulman. Mais la particularité de cet observatoire, qui est beaucoup plus médiatisé, par exemple, en termes de publication, ou on peut dire qui arrive au niveau du collectif contre l'islamophobie en France, c'est que l'Observatoire de l'islamophobie n'a pas de structure de recueil et d'enregistrement. Et donc, les données de l'Observatoire sont construites et captées à partir des données du ministère de l'Intérieur et également du CCIF, si ce que j'ai lu est correct, mais on va en discuter avec nos invités. Donc, les données de l'Observatoire, les données du CCIF qui, en termes de surface médiatique, progressent. Donc, il y a un certain nombre de médias qui reprennent les rapports du CCIF, mais je pense que le CCIF a d'abord au-delà de la couverture médiatique nationale, il y a une présence au niveau des instances internationales qui est vraiment dissonante par rapport à la place qui peut être donnée dans les instances de droits de l'homme ou de lutte antiraciste qui sont des instances nationales, notamment la CNCDH. Il y a également les informations tirées des sondages annuels commandités par la CNCDH qui reflètent l'état de l'opinion publique, c'est le titre du sondage, qui reflète l'état de l'opinion publique sur la xénophobie, l'antisémitisme, le racisme et l'antiracisme. Donc c'est depuis 90 un sondage qui a évolué, mais qui est commandité à différents instituts. Ces enquêtes ont une prétention barométrique. Une prétention barométrique, c'est-à-dire qu'elles visent à la production d'une histoire des humeurs hexagonales à l'égard des autres. Donc voilà les données qu'on a aujourd'hui, les données mainstream, hein, par rapport à ça, qui ont l'avantage de mener un peu les mêmes pratiques d'enregistrement de manière annuelle, contrairement aux enquêtes scientifiques qui sont pour l'instant des enquêtes one shot. Que ce soit TEO, il n'est pas envisagé que ce soit reproduit pour l'instant, ou que ce soit l'enquête par testing qui a été menée par l'équipe franco-américaine. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail de ces instruments de mesure. Mais je commencerai par la question de la chaîne judiciaire, la question de l'enregistrement à partir du renvoi, de la démarche des victimes. Donc, on a deux instances principales, le ministère de l'Intérieur et le CCIF. Hein. Le CCIF, c'est le collectif contre l'islamophobie en France, pour ceux qui connaissent pas. Au niveau de la justice, je reviendrai là-dessus, on a un vrai décalage entre la précision relative des données du ministère de l'Intérieur et les données de la justice, parce que la justice, mis à part l'antisémitisme, ne distingue pas précisément les victimes et les cibles du racisme. Elle distingue par catégorie racisme, antisémitisme ou anti-religion, mais ne distingue pas dans la catégorie anti-religion les affaires qui concernent les catholiques, que ce soit les lieux de culte ou les croyants catholiques, les juifs, les protestants, les bouddhistes, etc. Je m'appuie essentiellement là sur les données du ministère de l'Intérieur pour voir comment les choses ont évolué dans le temps. Alors, faut bien avoir à l'esprit que, avant de vous parler des données en tant que telles, entre entre les menaces, entre le moment où l'expérience de rejet est effective et le moment où elle est enregistrée par une association ou bien par un commissariat ou par le procureur, etc., il y a un certain nombre d'étapes. J'aimerais quand même les rappeler parce que à chaque étape se jouent des choses, en fait, dans la mesure du phénomène. Il y a d'abord l'expérience du rejet. Voilà, il se passe quelque chose dans la rue, et l'expérience du rejet, du point de vue des auteurs et du point de vue des victimes, donne lieu à des interprétations d'une part de la victime et donne lieu à des motivations du point de vue de l'auteur. Et je dis ça parce que il peut ne pas y avoir de consonance. C'est possible, entre la motivation et l'interprétation de la victime. Et il est très difficile parce que le taux d'élucidation de ce type d'affaires est quand même relativement faible, notamment les actes qui se passent dans la rue, en tout cas pour les affaires d'islamophobie. Du coup, il y a toujours un doute qui peut persister. Et finalement, si l'histoire se poursuit, elle repose sur l'interprétation de la victime. Et l'interprétation de la victime peut être multiple. Ce qu'elle peut être interprétée elle-même comme un acte islamophobe ou arabophobe, ou un acte d'antipathie peut être interprété d'une autre manière pour une autre personne. Les motivations sont parfois très claires, dans les propos, dans les gestes, dans les écrits, etc. Ils peuvent parfois prêter à confusion. Et après, une fois que l'acte a été interprété comme tel, se pose la question du renvoi ou non. À travers l'enquête Théo, il y a des statistiques sur le renvoi selon les catégories de victimes. Sur la question de la population musulmane qui se prétend musulmane de manière générale, les taux de renvoi sont très très faibles. Donc, de manière générale, à travers ces enquêtes, on voit très bien que les populations musulmanes renvoient très peu au pénal ou à l'associatif les actes dont ils s'estiment victimes. Donc, ça donne une indication sur finalement ce chiffre noir qu'on ne connaît pas. Et les données qui parviennent qui parviennent jusqu'aux instances d'enregistrement. Une fois que donc le renvoi dépend de beaucoup de choses, de la sensibilité, du capital social, de l'information, des dispositions mentales, etc., de la présence d'un encadrement, d'un accompagnement. Et puis se pose la question du choix du renvoi vers le pénal, vers le commissariat ou la gendarmerie ou vers l'associatif. Et au niveau des données, en termes d'enregistrement, maintenant, ça fait depuis un certain nombre d'années que, par exemple, le collectif contre l'islamophobie en France enregistre plus d'actes ou de menaces que le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a cette question qui peut se poser, pourquoi est-ce que le renvoi se met d'abord prioritairement vers le CCIF et après vers l'Intérieur? Quand je dis ça, il faut savoir qu'il y a des actes qui sont renvoyés vers le CCIF qui sont également renvoyés vers le ministère de l'Intérieur, mais il y a quand même un écart numérique entre les deux. Donc ça pose aussi le rapport des victimes aux institutions. La question du rapport des victimes avec les institutions se pose quand on étudie les questions de renvoi. Et puis, l'étape suivante, une fois qu'on a choisi soit le pénal, soit l'associatif, ou bien soit l'autocensure, pour ceux qui renvoyaient, il y a la question de l'enregistrement. Et là, la question est posée directement aux institutions, comment est-ce qu'elles enregistrent? Comment est-ce qu'elles enregistrent? Comment est-ce qu'elles classent? Comment elles établissent finalement la certitude qui va se traduire dans les statistiques qui vont être mises à disposition de la société de manière générale plus tard? Donc, vous voyez, et c'est valable aussi pour les victimes institutionnelles, on a différentes étapes qu'il est nécessaire de suivre. Alors, je ne peux pas vous montrer ça, moi je suis désolé sur l'écran, mais là c'est la courbe depuis 2002. Alors, c'est le ministère de l'Intérieur qui a commencé à enregistrer en premier, c'est cette courbe-là. Là, on a le CCIF. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que depuis 2008, les courbes ont une forme similaire. Au niveau numérique, on n'est pas sur les mêmes quantités. Par contre, au niveau des évolutions, on est sur les mêmes tendances. Donc ça, c'est intéressant, alors que avant 2007, il y a beaucoup de croisements de courbes, des croisements de courbes qui sont qui peuvent être imputés à beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'organisation interne de chaque instance ou de l'évolution de l'islamophobie et des victimes, du comportement des victimes en tant que tel. Les données du CCIF, l'augmentation très importante, on est à hauteur de 300 victimes d'islamophobie, il y a des pointillés en dessous, cette courbe-là, elle est portée par les victimes, l'évolution des victimes individuelles. Ce n'est pas tant les actes qui visent les institutions musulmanes, parce qu'il y a cette distinction au CCIF, Marwan l'expliquera mieux que moi, entre victimes institutionnelles et victimes individuelles. C'est les actes qui visent les individus qui tirent vers le haut. Du point de vue du ministère, on a cette même évolution au niveau statistique. Et cette évolution statistique se traduit également au niveau des commentaires et des interprétations présentes dans les notes du ministère de l'Intérieur au sein des rapports de la CNCDH. C'est que autant il y avait une forme de scepticisme, de méfiance, de distance et de précaution sur le sens à donner à ces augmentations, autant quand on lit les dernières notes, que ce soit la CNCDH ou que ce soit le ministère de l'Intérieur, il y a de moins en moins de mal à utiliser le terme islamophobie et il y a de moins en moins de mal à faire le lien, ce qui était plus difficile avant, entre le contexte idéologique et politique et l'évolution des actes islamophobes. Donc on voit une évolution en termes de positionnement, que ce soit de la CNCDH ou que ce soit du ministère de l'Intérieur ces dernières années. Alors, beaucoup de questions se posent sur l'interprétation à donner à ces évolutions, ces évolutions-là. Ces évolutions-là, elles peuvent être liées à des évolutions de la réalité sociale. On peut estimer que l'islamophobie est plus forte aujourd'hui et du coup, ça se traduit dans la réalité. C'est-à-dire, on peut interpréter cette évolution comme une augmentation des actes islamophobes dans la réalité, une augmentation du nombre de victimes, etc. Pour la police, et je vais revenir après à la question du CCIF, pour la police, ces évolutions peuvent traduire d'autres choses. D'une part, les évolutions du code pénal. La question de la statistique policière est intimement liée à la question du code pénal. Et plus vous élargissez le filet pénal du point de vue de la législation, plus vous avez de chances d'attraper des actes qui étaient en dehors du code pénal auparavant. Et là, pour le coup, en 2003, il y a eu le vote de la loi Lellouche. En 2004, le filet pénal a été étendu, notamment pour les violations de sépulture. Le 30 décembre 2004, il y a une directive communautaire en matière de discrimination qui a été transposée dans le droit français, qui a notamment permis la création de la HALDE. Le fonctionnement des parquets, donc qui enregistre les plaintes transmises par les commissariats, le fonctionnement des parquets a également évolué avec le développement et la mise en place de magistrats référents, hein, au sein des parquets, des magistrats spécialisés sur les questions de racisme et de discrimination. Et si je vous prends juste la question de l'évolution du code pénal et les réformes du fonctionnement de la justice, c'est que, par exemple, entre 2003 et 2005, le nombre de condamnations pour des faits de discrimination, de racisme, de manière générale, a doublé. Donc, qu'est-ce qui relève là-dedans de l'évolution de la réalité et qu'est-ce qui relève des modifications du fonctionnement de la justice pénale, sachant que le nombre d'actes recensés n'a pas doublé, que ce soit par l'intérieur ou que ce soit pour le CCIF sur la même période. Et puis il y a un point sur, également, je reste sur le ministère de l'Intérieur, sur la question du contexte politique et des impulsions ministérielles. Il y a des priorités, il y a des stratégies policières impulsées par le ministère et par la Direction générale de la police nationale qui amènent à mettre l'accent sur tel aspect de la délinquance ou tel autre. Et ça, ça influe sur le comportement de la police de manière générale, comportement proactif et sur les pratiques d'enregistrement également. Un autre point qui est important, c'est la question de la formation et la sensibilisation et plus largement le comportement des agents, quelle que soit l'instance. C'est valable pour le CCIF, comment est-ce qu'il a évolué dans son organisation interne depuis ces années, comment est-ce qu'il a grandi, combien de militants il a, est-ce que son organisation est restée la même, est-ce que sa communication est restée la même. De l'étendue de son organisation va aussi dépendre de l'étendue de son rayonnement, c'est-à-dire de sa capacité à capter des victimes. Pareil pour le ministère de l'Intérieur, de quelle manière les évolutions du ministère de l'Intérieur, notamment l'implication plus importante de l'information générale, c'est-à-dire des renseignements généraux dans la question de la mesure, de la synthétisation, des méthodes d'enregistrement, elles ont évolué notamment depuis 2008. Comment ça joue sur les évolutions statistiques. Et puis, il y a un autre point qui joue sur les chiffres, c'est le comportement des victimes. Je vous ai parlé des campagnes de pub, mais de manière générale, on peut se dire que le comportement des victimes, le changement de comportement des victimes va permettre et va contribuer aux évolutions statistiques. Tout ça pour vous dire que une courbe en tant que telle, elle est construite à travers une multitude de dynamiques sociales, de dynamiques juridiques, politiques et administratives, et qu'il est difficile, en termes d'interprétation, d'avoir une certitude sur le lien entre augmentation et réalité sociale. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est valable pour toutes les formes de délinquance, sur toutes les formes d'actes qui sont enregistrés de cette manière-là. Ce qui m'intéresse également de vous montrer, et là c'est quelque chose qui est vraiment frappant, c'est que quand on a ce débat sur finalement est-ce que l'islamophobie c'est le prolongement de l'arabophobie, du rejet des Maghrébins, est-ce que c'est la même chose, est-ce qu'il est possible de distinguer les deux, c'est une question qui est récurrente. Et alors, il y a un certain nombre d'enquêtes, hein. Je vous parlerai des enquêtes scientifiques tout à l'heure, mais on a un certain nombre d'enquêtes. Si je me base seulement sur les données d'enregistrement, depuis 2009, par exemple, le racisme majoritaire enregistré par le ministère de l'Intérieur, depuis 20 ans, c'est le racisme qui vise les Maghrébins, hein, au niveau des victimes. Et numériquement parlant, les actes et menaces qui visent les Maghrébins se rapproche des actes et menaces qui visent les musulmans enregistrés par le ministère de l'Intérieur. Donc on a une courbe là qui était parallèle et qui commence qui risque de se croiser dans les années qui viennent. Le croisement est déjà fait entre les données du CCIF, les statistiques du CCIF. Il y a plus d'actes islamophobes sur une année enregistrés par le CCIF que d'actes anti-maghrébins enregistrés par le ministère de l'Intérieur. Et ça, c'est valable que depuis 2010. Donc, c'est quelque chose qui est très récent. Alors là encore, on a des courbes qui n'ont pas les mêmes chemins. Et ce que je vous dis là, ça résonne avec ce qu'a pu produire la CNCDH à partir de l'exploitation de ces enquêtes d'opinion. La CNCDH a demandé à un certain nombre de chercheurs de Sciences Po Paris, notamment Vincent Thiberge, il y a aussi Michla, je vous donnerai les références si vous voulez plus tard. Et ils exploitent la base de données et l'enquête par sondage menée annuellement par la CNCTH. Et ils ont des questions très précises sur le rapport à l'islam et le rapport aux autres religions et sur le rapport aux immigrés également. Et ils ont mis en exergue la constitution progressive, mais de manière très solide, d'une partie de la population qui se dit à la fois pro-immigré et anti-musulman. Donc là aussi, au niveau des déclarations, des opinions, on a une différenciation il est possible d'isoler une population qui est à la fois sensible aux discriminations qui touchent les Maghrébins, par contre qui exprime une aversion à l'islam relativement assumée. Donc Quand on met en parallèle ces différentes évolutions, quand on cumule un petit peu les différentes informations, on arrive finalement à construire une analyse qui permet de différencier avec précision ce qui relève du marqueur religieux et ce qui relève du marqueur ethnoculturel, racial, etc. Alors, du point de vue de la justice, j'aimerais quand même signaler qu'il y a eu une initiative de la direction de l'administration. Direction de l'administration, la DACG. Le DACG, c'est la direction de l'administration. Il y a le C et des grâces. Enfin bref, c'est Les affaires criminelles. les affaires criminelles et des grâces. Merci, Monsieur Godard. La DACG, c'est un peu le bras politique qui impulse les politiques pénales. Ça se passe à travers la DACG. Quand on a besoin de statistiques, on va voir la DACG. Et quand on veut impulser des choses, ça passe par la DACG. Pour vous dire un peu la place que cette direction occupe au niveau du ministère de la Justice. Et la DACG a décidé, a initié à partir de mars 2010 un groupe de travail dédié à établir une nomenclature et des catégorisations beaucoup plus précises que le triptyque racisme, acte raciste, acte antisémite et acte anti-religion tels qu'ils sont nommés. Et du coup, ils ont proposé le 4 avril 2007. Ça, c'est une dépêche du directeur de la DACG qui a demandé de distinguer les infractions racistes, les infractions antisémites, les infractions à raison de la religion musulmane, les infractions à raison de la religion chrétienne et les autres infractions à raison de la religion. Donc, cette impulsion du ministère de la Justice pour avoir une plus grande précision, ça, c'est une dépêche qui a été envoyée aux procureurs généraux, c'est eux qui sont chargés de mettre en application les politiques pénales à l'échelle de leur circonscription. C'est des intentions qui sont pour l'instant restées lettre morte pour deux raisons, il me semble. D'une part, parce que les actes, il y a très peu de renvois vers la justice. Donc, d'un point de vue quantitatif, ces catégories ne sont pas encore opérantes parce qu'il n'y a pas suffisamment d'actes à classer. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des résistances d'une partie des associations antiracistes sur l'usage du terme islamophobie, mais également sur la nécessité de quantifier en tant que tel des actes qui visent les populations musulmanes. Ces deux associations très actives sur ce terrain-là, notamment en 2007, c'est la LICRA et SOS Racisme, c'est aussi les deux associations qui ont signé un accord avec la chancellerie pour développer la formation et améliorer la prise en charge par la justice de ces questions de rejet à travers les différents marqueurs. Donc là, il y a un déblocage qui n'ont pas été aidés par la signature de cette convention et le choix de ces associations-là par rapport à d'autres. Donc en matière de pratique d'enregistrement, je donnerai la parole. Dans quelques temps, mais je veux quand même signaler que, au niveau de la société civile, les contributions sont très faibles. Les seuls à avoir essayé de produire des données sur la question du racisme anti-musulman ou de l'islamophobie, c'est le MRAP qui, dans le rapport 2009, a décliné les motifs des 27 judiciaires que le MRAP avait initiés en 2009. Et donc, il y en avait 14 qui concernait le racisme lié à l'origine ou à la couleur de peau, 6 affaires d'islamophobie, 4 affaires d'antisémitisme et 3 qui concernaient les Roms. La même année, ils ont fait une analyse sur enfin, l'analyse sur le racisme sur Internet à travers l'analyse de 1000 blogs et de 2000 URL. Et du coup, ils ont classé par taux les thématiques racistes qui revenaient le plus souvent dans la, comment on appelle, la fachosphère. C'est comme ça qu'elle est surnommée. Et sur ces thématiques, ce qui arrivait en tête, c'est l'islamophobie avec un taux de 75% de récurrence, d'occurrence. Ensuite, l'antisémitisme, 44%. La thématique du nazisme, alors difficile de la distinguer du reste, mais bon, c'était fait par le MRAP. Et le racisme divers avec 23% des occurrences et des thématiques. Enfin, 11% pour le négationnisme. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui a été pareil, c'est du one shot qui a été fait une année, mais qui montre, par exemple, que ben, la thématique raciste la plus utilisée, d'après le MAP, en tout cas en 2009, c'est la thématique de l'islamophobie. Dans les rapports de la CNCDH, la question, la thématique du racisme sur Internet, elle est, alors je ne sais pas si elle est confiée ou si c'est une initiative institutionnelle, mais l'essentiel des rapports, ils sont écrits par Marc Nobel, qui est chercheur au CRIF, et de par son positionnement et sa sensibilité, il s'intéresse d'abord à l'antisémitisme sur Internet qu'aux autres formes de racisme. Donc on a peu de données sur le racisme de manière générale ou l'islamophobie, et encore moins sur l'islamophobie. Alors, deux mots avant de passer la parole à mes voisins sur la question des enquêtes scientifiques. Sur les enquêtes scientifiques, il y a plusieurs manières de mesurer les discriminations et le racisme qui seraient complémentaires avec les données administratives ou les données enregistrées par les institutions. Il y a deux enquêtes en France qui sont disponibles. La première, c'est l'enquête Théo. La question de l'enquête Théo, alors c'est une enquête qui a été menée entre septembre 2008 et février 2009 par les enquêteurs de l'INSEE, coproduite par l'INED et l'INSEE, à partir d'un échantillon de 21 000 personnes nées entre 48 et 90 qui vivaient dans un ménage ordinaire en France métropolitaine. Les questions n'ont pas été posées dans les départements et territoires outre-mer. Et donc, 21 000 personnes, c'est une énorme enquête. Les enquêtes avec autant de personnes, c'est très rare. Donc, en termes, d'un point de vue quantitatif de sa construction, elle est relativement solide. L'enquête EO a amené beaucoup de débats sur les catégorisations, sur l'usage des statistiques, sur les pratiques d'enregistrement, des débats qui sont légitimes, des débats qui ont lieu au milieu scientifique. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce serait très long. Mais plutôt, je vais insister sur le fait que cette enquête-là, elle permet trois types d'investigations sur les discriminations et sur le rejet. Des questions directes sur l'expérience personnelle des discriminations, des questions sur les représentations quant à l'existence et l'importance des discriminations envers les différents groupes. Le CNCDH, par son sondage, pose à peu près la même question. Et des questions sur les expériences personnelles et précises de traitement différencié en situation. Alors, sur la question religieuse, ce que met en avant l'enquête Théo, ce qui est assez intéressant, alors il y a une partie des exploitations que j'ai récupérées de l'équipe de Patrick Simon, et une partie des exploitations que j'ai effectuées moi-même parce qu'ils ne les ont pas encore effectuées ou bien ils ne les ont pas encore publiées. D'abord, sur la question de la discrimination sur une base religieuse, il y a moins de 1% de la population qui se plaint de discrimination sur une base religieuse. C'est 0,64% pour être précis. Ce n'est pas un contentieux massif dans l'expérience des Français de manière générale. Enfin, ça, c'est le premier point qui me paraît important. Parmi les musulmans, ceux qui disent oui à ressentir à la question sur le ressenti de discrimination sur la base de la religion, c'est autour de 5%. À partir de l'enquête Théo, 5% des musulmans se plaignent de discrimination sur la base de la religion. Par contre, si on raisonne en termes de conditions musulmanes, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des musulmans et qu'on les interroge sur l'ensemble des discriminations vécues, ce taux-là monte à plus de 35%. Plus de 35% des musulmans se plaignent ou expérimentent les discriminations dans leur vie quotidienne depuis les 5 dernières années. Bon. Alors, se pose une question. Est-ce que si on raisonne qu'en termes de catégorie de discrimination, 5%, ça reste relativement faible par rapport à l'ensemble de la population musulmane, et même si on extrapole. Par contre, si on pense en termes de conditions musulmanes, si on pense en termes de conditions musulmanes et de cumul de discrimination, on est à près de 40%. Le chiffre n'est pas du tout le même. Les musulmans, de manière générale, se plaignent d'abord de discrimination par rapport à leur origine. Ça, c'est le résultat qu'ils ont très bien montré. Sur la base de la religion, la population qui se plaint le plus de discrimination sur la base de la religion, en taux, c'est la population juive. Donc ça aussi, c'est quand même un résultat qui est un peu contre-intuitif, que le concept d'antisémitisme ne permet pas de discerner. Et là encore, l'enquête Théo, c'est intéressant. 20% des juifs interrogés se plaignent de discrimination sur la base de la religion. Le souci là, et ça va refroidir un petit peu tout le monde, c'est que si je vous donne les chiffres de ce que représente 5% de musulmans qui se plaignent de discrimination sur la base de la religion, c'est 85% si on les rapporte à la taille de la base. Et par rapport aux juifs, les 20%, c'est une trentaine de personnes sur l'enquête qui répond ça. Donc on est à peu près tous d'accord au niveau des chercheurs qu'il va falloir monter une enquête complémentaire, beaucoup plus large, pour creuser cette question des discriminations sur la base de la religion. L'enquête Théo nous permet aujourd'hui d'avoir une vision globale et d'établir des proportions globales sur la question, d'une part, de la sensibilité aux discriminations sur la base de la religion, et d'autre part, sur la question de la condition de musulman. Je pense que c'est une approche qui me semble tout à fait intéressante. Alors, si je devais faire un profil type des musulmans qui répondent oui à la question des discriminations sur la religion, je dirais que les femmes sont légèrement surreprésentées sur la question de la religion. Alors que si on interroge l'ensemble des musulmans, c'est d'abord les hommes qui sont surreprésentés. Donc, il y a une inversion sur la question de la religion. Alors, j'ai essayé de creuser un petit peu sur les caractéristiques de ces femmes qui répondaient oui, qui répondaient plus oui que les autres. Eh bien, ce que j'ai fait, parce qu'on a des questions sur le fait de porter des signes religieux visibles. Et en fait, les signes religieux visibles sont déclarés par 21% des musulmans de l'enquête, de manière générale. Par contre, pour ceux qui se disent discriminés en raison de leur religion, ils sont 40% à déclarer porter des signes religieux ostensibles. Donc, il y a un effet voile, parce que la question du signe religieux, c'est un couvre-chef dont il est question. Et deux fois sur trois, c'est les femmes qui répondent oui à cette question-là. Donc, on a une sous-population qui ressemble beaucoup à la population la plus mise en avant par qui saisit le plus le collectif contre l'islamophobie en France. Alors, rapidement, parce que je vais donner la parole et je veux être équitable dans le partage du temps, mais quelques données quand même intéressantes. Parmi la population musulmane, ceux qui se plaignent le plus de discrimination en raison de la religion, c'est d'abord les descendants d'immigrés, plus les descendants d'immigrés que leurs parents, et plus les descendants d'immigrés maghrébins que les descendants d'immigrés africains, par exemple. Et quand on creuse un petit peu, cette sous-population-là, les diplômés sont surreprésentés, les femmes sont surreprésentées également. Et donc, on a finalement, dans la population qui se sent le plus discriminée sur la base de la religion, une population qui ressemble, mais là je dis ça de manière générale, à la population qui se mobilise contre l'islamophobie aujourd'hui en France. Il y a un lien qui est quand même très, très, très fort. Alors, je passe rapidement sur les limites parce que je voudrais dire un mot sur l'enquête qui a été menée par testing. Et c'est une enquête qui est intéressante. Alors, le testing, c'est quoi? C'est une méthode expérimentale qui permet de dupliquer une situation discriminatoire. Comment? En isolant un marqueur qu'on souhaite interroger plus précisément, le marqueur qui est mis à l'examen. Donc, cette enquête était menée par Claire Adida, David Leighton de Stanford aux États-Unis et Marie-Anne Valfort de Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ils ont comparé l'intégration économique de Français musulmans et chrétiens originaires du Sénégal et ils mettent à jour une discrimination considérable à l'égard des musulmans qui, d'après leurs calculs statistiques, ont 2,5 fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche que leurs homologues chrétiens. Et donc là, la distinction entre les CV qui ont été envoyés, elle est simple. Il y a deux marqueurs qui diffèrent entre les deux CV. La photo est la même. Le premier marqueur, c'est le prénom. On a d'un côté Khadija Diouf et de l'autre côté Marie Diouf. Diouf, c'est un nom de famille typiquement sénégalais. Et de l'autre côté, on a deux marqueurs secondaires comme le fait qu'il y en ait une qui ait participé à des activités des scouts catholiques de France et l'autre des scouts musulmans de France. Et enfin, une qui est bénévole au secours catholique et l'autre qui est bénévole au secours islamique. Voilà, on a ces deux éléments d'information qui permettent d'isoler le marqueur religieux, un marqueur religieux qui a des effets nets du point de vue de l'islam, parce que c'est de l'ordre de 2,5 moins de chances d'embauche pour la candidate musulmane, que, en tout cas le profil musulman, que le profil catholique. Alors les limites de ces comparaisons interindividuelles, c'est que c'est des comparaisons interindividuelles faites à un moment T du marché du travail T, pour une profession donnée. Là, c'est la comptabilité, si ma mémoire est bonne. Donc, ce n'est pas généralisable. Et puis, il faudrait multiplier les enquêtes par testing pour pouvoir avoir une vision globale. Ça nous donne une indication, et ça ne nous donne que ça, une indication pour, à un moment donné, dans un espace donné, dans un marché du travail donné, pour une profession donnée, de l'état des discriminations probables entre deux communautés. Je vais conclure en vous disant un mot de l'enquête de la CNCDH. J'ai pris un petit peu les données, j'ai fait les séries longues, depuis 2003 notamment, parce qu'il y a des questions qui ont été posées sur la question de sur l'islam. Alors, il y a des questions qui n'ont pas été posées entre 2004 et 2005, parce qu'il y a eu un débat très fort sur le sens des questions et les catégorisations utilisées par la CNCDH dans l'enquête d'opinion. Moi, ce qui m'a frappé en lisant les rapports de la CNCDH, c'est quand même la forte partialité de la commission par rapport à cette question du rejet de l'islam et des musulmans. C'est-à-dire que si on lit les interprétations, je n'ai pas le temps de vous faire la liste, mais si on lit les interprétations jusqu'à les dernières années, je suis quand même marqué par la tendance à minimiser, dans l'interprétation, à minimiser, à relativiser la signification des statistiques du rejet de l'islam de manière générale. J'ai beaucoup d'exemples. Alors, cette tendance-là, on la voit de deux manières, à la fois dans la construction de l'échantillon. Par exemple, en 2003, ils ont testé dans l'enquête d'opinion des catégories pour désigner la population musulmane. Donc, ils ont utilisé la méthode des splits. On fragmente un échantillon en trois et on pose trois questions différentes. Et donc, pour certains, ils ont posé la question en utilisant le terme « religion musulmane », pour d'autres « religion islamique » et pour d'autres « islam ». Et du coup, il y a des écarts très forts dans les réponses au niveau de l'aversion et de l'hostilité à l'islam selon les catégories et selon la manière dont a été posée la question. Par exemple, la catégorie islam, qui est la catégorie médiatique la principale utilisée. On parle d'islam dans les médias de manière générale, l'islam sans gêne, l'islam ceci. C'est un petit peu la catégorie, on utilise moins le terme religion musulmane ou religion islamique. C'est un terme qui est moins utilisé. Et qu'est-ce qu'on voit là? On a, en termes de sentiments négatifs, quand on dit islam, le taux monte à 40%. Quand on dit religion musulmane, ce taux-là descend à 31%. Et quand on fait le différentiel entre les différentes questions, est-ce que pour vous c'est positif, c'est négatif, ou est-ce que c'est ni positif, ni négatif, la question la moins défavorable en termes de réponse par rapport à l'islam, c'est la catégorie religion musulmane. C'est celle qui a été choisie pour l'ensemble des questionnaires qui ont suivi pour interroger la population. C'est un exemple parmi d'autres, je pourrais vous en donner d'autres, par exemple des questionnements qui étaient dans le questionnaire de 2003 et qui ont disparu après 2003. Et c'était des questions qui étaient relativement intéressantes, notamment une question sur le fait d'avoir été témoin de propos racistes, antisémites, anti-musulmans, anti-arabes, ou témoin de comportements avec les mêmes catégories. Cette question-là, elle est intéressante, alors ça reste des enquêtes d'opinion, hein. Ça reste des enquêtes avec des interprétations fragiles. On en discutera si vous voulez, mais tout de même, cette question-là, par rapport aux autres, elle avait un avantage, c'est qu'elle permettait de détourner la question de l'autocensure, de la gêne à répondre « oui, moi, je suis raciste, moi, je n'aime pas » ou bien « moi, j'ai tenu des propos où j'ai eu un comportement raciste, etc. » Donc, est-ce qu'on a été témoin? C'est une manière indirecte de questionner les relations sociales et les scores était relativement élevé, c'était de l'ordre de 54% pour les propos racistes, 48% pour les propos anti-musulmans, 31% pour les propos antisémites et 55% pour les propos arabes. Y compris pour les comportements, on était à hauteur de 32% pour les comportements anti-musulmans. Donc c'est quand même des scores qui sont très élevés. Et c'est une question qui a été mise de côté par le questionnaire. Il y en a d'autres comme celle-là, hein, je ne vais pas vous faire toute la liste. Juste vous dire qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées tous les ans, notamment sur un certain nombre d'éléments de la pratique religieuse. Hein. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de lier ces données-là avec l'évolution du débat public et les termes du débat public. Donc les questions sur le port du foulard, est-ce que ces éléments de la pratique religieuse sont problématiques, posent problème pour la société française? Alors juste la question... problématique pour la société française, on crée une opposition entre islam et société française, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais pour revenir à ces statistiques-là, on a sur le port du foulard, on passe de 82% en 2003 à 75% en 2011. Mais à partir de 2009, avec le débat sur le voile intégral, la question du voile intégral est posée, et je crois que le score au niveau du rejet du voile intégral est de 92-95%, enfin, dans un rejet massif. Là, 75%, c'est quand même massif. Mais il y a même des pratiques qui ne posaient pas forcément de problème en 2003, comme par exemple l'interdiction de consommer du porc et d'alcool. Il y avait 13% des Français interrogés pour qui ça posait un problème. Ils sont 22% en 2011. La question de la prière, avec le débat sur les prières de rue, est intéressante. On était à 23% en 2003 et on est à 34% en 2011. Et on prend 10 points à partir du moment où ça devient un sujet polémique dans le débat public. Donc voilà, je m'arrête là. J'ai essayé de balayer un certain nombre de points sur la question de la mesure de l'islamophobie. Elles sont différentes, elles sont cumulatives. Je pense qu'il faut les manœuvrer avec beaucoup de prudence, mais surtout, elles tendent dans le même sens, en termes de courbe et en termes de tendance. Donc ça peut apporter, à mon avis, quelques éléments au débat actuel sur est-ce que l'islamophobie existe à la fois comme réalité ou à la fois comme concept. Et puis, je donne la parole maintenant à Bernard Godard pour avoir un éclairage beaucoup plus approfondi sur la manière dont cette question-là s'est déployée au sein du ministère de l'Intérieur. Mmh. Merci beaucoup. C'est vrai que le CCF, lui, existait, son existence était déjà bien, bien engagée, son activité, et c'est qu'en 2010 que le. Plus précisément en juin 2010, que le ministre de l'Intérieur propose au président du CFCM de signer une convention, un accord cadre relatif aux actes anti-musulmans. Bon, alors il faut bien savoir que dans cette affaire, politiquement, c'est quand même un dossier qui a été initié par le Premier ministre, ce qui n'est pas habituel. Non pas que le ministre de l'Intérieur n'était pas vraiment attiré par la perspective de monter cet accord cadre. Mais il faut dire que, et on en a les preuves encore aujourd'hui, le clivage était particulièrement net dans le genre d'initiative qui voulait être prise par le courant dit républicain de l'UMP. Puisque à cette époque-là, en 2010, on était quand même dans une tension, cette tension qui était née, donc, vous le savez, dès 2007 autour de l'identité nationale. En 2010, on est déjà dans la pente montante qui trouvera son apogée en avril 2011 au moment du débat sur la laïcité. Et c'est vrai que c'est intéressant, et le Premier ministre est assez pressé pour cette affaire, mais il faut quand même voir aussi que c'est né à quel moment. C'est né au moment de débat sur le voile intégral. Donc, si vous voulez, alors j'ai envie de dire que c'est une constance depuis une vingtaine d'années, c'est que on est quand même dans le débat sur le voile intégral, avec toute la tension que vous connaissez, sur effectivement deux temps, qui sont le temps... d'une procédure qui est née avec la réforme Balladur de 2008, une procédure parlementaire qui, je ne me rappelle plus son nom, une résolution, c'est qu'on peut faire une résolution, les députés peuvent faire une résolution, mais n'ont pas le porter au niveau d'une loi. Bon, et cette résolution, c'était, tout le monde est à peu près d'accord, y compris le Parti Socialiste, c'est effectivement de dire que la pratique du voile intégral n'est pas une pratique très... très acceptable dans le cadre de la République. Mais le Parti Socialiste et la gauche en général est sur le maintien d'une résolution. La droite, elle, va aller à la loi. Et donc, elle a instrumentalisé très adroitement, à l'époque, il faut le savoir, le député Gérin, qui est un député communiste, et en le mettant en avant pour porter le projet, pour que ce ne soit pas quelqu'un de l'UMP, ce qui est assez intelligent à l'époque. Et donc, c'est à ce moment-là que, effectivement, la question de savoir ce qu'il faut faire pour les musulmans, car c'est une constante, ça, depuis 20 ans. On donne d'un côté, on est effectivement sur une mesure, mais on veut rappeler aux musulmans qu'on aime les bons musulmans, qu'effectivement, l'État veut protéger ceux qui sont sages, entre guillemets, et voilà. Donc, c'est un peu réducteur, peut-être, mais enfin, et ça s'inscrit tout à fait dans cette constante. Je ne vais pas donner d'autres exemples, mais on a assez souvent cette une mesure, si vous voulez, un peu forte, et en même temps, en regard, une mesure pour compenser. Alors, là, il faut savoir que le CFCM, bon, qui n'est pas forcément un modèle de fonctionnement parfait d'une institution de défense des intérêts des individus qui sont censés défendre. Mais enfin, il faut voir que le CFCM avait dit, au moment de cette résolution parlementaire, vous voulez porter sur les intégrismes, mais pas seulement ce phénomène, c'est ultra-minoritaire, certes, mais attaquer tous les intégrismes, et pas seulement là, ce que vous appelez l'intégrisme musulman. Donc, si vous voulez, il y a quand même une adresse, il y a une interpellation de ceux qui vont voter la loi, qui sentent très bien qu'il faut quand même faire quelque chose pour faire contrepoids. Et on a effectivement cette réflexion. Alors, la question, un autre élément était le qui est passé peut-être inaperçu à l'époque. En janvier 2010, le président de la République, lui aussi, fait un acte symbolique fort, qui est celui de se rendre à l'intropole militaire de Notre-Dame-de-Lorette, dans le Pas-de-Calais, qui avait été quand même, c'est un carré musulman de 576 tombes, et ce carré avait été profané à trois reprises en 2007 et 2008. Donc il attend 2008 pour venir marquer sa solidarité avec les musulmans, et on est toujours, vous voyez, dans le cadre, juste avant le vote de la loi sur le voile intégral, on est en plein débat. Et le président de la République dit la laïcité, je le cite, hein, qui est au cœur du pacte républicain et la reconnaissance par l'État de l'égalité des religions dès lors qu'elle se conforme à nos lois, à nos principes et à nos valeurs, au premier rang desquels la dignité réductible des personnes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'est qu'en même temps, il marque symboliquement, si vous voulez, sa solidarité avec les attaques contre les musulmans, mais il rappelle dans son discours au cimetière quand même que, effectivement, voilà. Donc c'est une manière de... voilà, je voulais simplement rappeler ces faits qui ne sont pas innocents. Alors, des circonstances dans lesquelles ça se crée. Alors, autre chose, je voulais revenir sur l'histoire des parce que ça va revenir par rapport au fait qu'on ait qualifié ça d'acte anti-musulman plutôt que d'acte islamophobe, au point de vue sémantique. Bon, heureusement, le débat, je crois, aujourd'hui, effectivement, est un peu plus dédramatisé, dépassionné, je trouve. Ah bon, on en reparlera peut-être. Mais à l'époque, c'est quand même un débat qui est assez chaud. Et c'est vrai que ce que vous disiez, les catégorisations du ministère de l'Intérieur, ça, c'est un élément intéressant. Simplement, pour aller un peu plus loin, et je me repose sur les rapports que j'ai pu lire, les quelques rapports que j'ai pu lire des années 2000 à 2003, et c'est vrai que c'est intéressant que, on marque l'augmentation de la violence xénophobe, et on dit les étrangers, et on ajoute dans un rapport, ces actes ont visé en priorité la communauté arabe. Ce qui est relativement nouveau, hein, parce qu'avant, on disait plutôt maghrébin, effectivement, c'était plutôt le terme. Là, on voit le terme communauté arabe. Alors, il faut être, par exemple, ici, quelquefois, on voit le terme musulman qui apparaît à l'encontre de la communauté musulmane, mais ce ne sont pas les individus, ce sont les lieux, ce sont les cimetières, les carrés musulmans. On n'est pas encore dans des atteintes aux musulmans en tant que personne. On est en tant que lieu de culte ou caractérisé comme musulman. Alors, c'est intéressant parce que, là, dans un des rapports, on parle d'une problématique immigration-invasion, source d'insécurité et terrorisme, thèse développée par des intellectuels d'extrême droite qui annoncent un choc de civilisation. Ça faisait 10 ans qu'on le disait, mais enfin, les renseignements se réveillaient, ils étaient aperçus qu'on parlait du choc de civilisation. Bon, c'est une chose. Très important, on tempère cette catégorisation, qualifie de racisme politique. En ajoutant, ça c'est important, des actions pulsionnelles d'individus inconnus pour un militant extrémiste sont aussi fréquentes. Donc, encore à l'époque, on hésite à cette catégorisation franche d'islamophobie, pour faire large, parce qu'effectivement, on ne veut pas rentrer dans des attaques qui auraient été faites. Parce qu'on parle souvent des victimes, mais il est important aussi de parler des auteurs, parce que c'est eux aussi qui sont très importants dans la qualification qu'il va avoir ensuite, qui va être mise en place. Or, la qualification, on dit, oui, mais ça, il y a un racisme anti-musulman qui provient d'idéologie, de thèse, mais en général, hein, les actions pulsionnelles d'individus inconnus pour un militant extrémiste sont très fréquentes. Et donc, on les oppose. Alors, c'est intéressant parce qu'on compare avec la Corse. Pourquoi ? La Corse, parmi les adversaires, c'est la xénophobie en général, qui est la vraie motivation de ces attaques Parce que le FLNC avait déclaré, toujours dans le même rapport, concernant les actes anti-musulmans ou anti-arabes, les déclarations du FLNC en 1999, les halogènes doivent savoir que cette terre ne n'appartiendra jamais. Donc, les actes anti-arabes, anti-maghrébins, anti-musulmans, sont des actes contre des halogènes qui ne font pas caractériser de manière stricte comme des actes anti-musulmans ou contre la religion musulmane. Donc, vous voyez, on est encore en 2002 dans une perception qui ne veut pas encore passer l'acte. On a simplement constaté depuis l'an septembre 2011, c'est vrai, que effectivement il y a cette histoire de choc de civilisation là qui est là, et bon, on ne sait pas trop quoi en faire, mais c'est là. Alors, il faut savoir aussi, bon, on n'a pas parlé, bon, par rapport aux actes anti-musulmans, là, il faut être clair, le modèle, c'est le modèle juif. Alors, dans cette matière, c'est, je ne dis pas, la boussole à partir de laquelle les pouvoirs publics vont, si vous voulez, développer leur action. Et c'était quoi la boussole, entre guillemets, des actes antisémites ? Elle était récente, puisqu'elle datait que de 2002, et intéressant aussi, elle s'était appuyée sur une collaboration entre le service du ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la recension des actes antisémites et le service de protection de la communauté juive, le SPCJ. Le SPCJ, c'est un service qui est né, qui dépend du CRIF beaucoup, pas seulement, mais beaucoup du CRIF, et qui a été créé après l'attentat de la rue Copernic en 1981. Donc, il avait une certaine expérience, si vous voulez, de la comptabilisation de ce que lui qualifiait comme acte antisémite. Alors, en 2002, il est mis en place un accord cadre qui servira de modèle à l'accord cadre qui sera signé en 2010 par les musulmans et le ministère de l'Intérieur. Alors, les choses ne se sont pas passées de manière peut-être si sereine, puisque le SCPJ, qui avait rodé ses propres critères d'évaluation, a voulu effectivement les confronter, enfin les imposer, les proposer au ministère de l'Intérieur, lequel ministère de l'Intérieur a effectivement effectué une résistance très forte, et il y a eu 2-3 ans de battement où les choses ne se sont pas passées forcément de la meilleure manière, parce qu'effectivement le ministère de l'Intérieur a imposé une comptabilisation à partir des actes enregistrés au niveau de la justice et de la police. Et donc là, effectivement, ça... Et effectivement, parce que ça aussi, c'était des 2 fois par an des échanges entre le SCPJ et le service du ministère de l'Intérieur intéressé, et il peut y avoir des polémiques. Pour vous citer simplement un seul exemple, c'était l'enlèvement de Ilana Levy, jeune Ilana Levy. Alimi. Ilana Levy. Bon, c'est quelqu'un d'autre, Ilana Levy, oui. Ilana Levy, qui effectivement était qualifiée pour le CRIF comme étant un acte antisémite, et qui, pour les services de police, ne voulait pas entendre comme étant un acte antisémite. Alors bon, moi je ne rentre pas dans la polémique, pour une fois je crois que le CRIF n'avait pas tout à fait tort, mais enfin, bon, il se trouve que les services de police n'étaient pas d'accord pour la qualification. Donc vous voyez que c'était pas, les choses ne se passaient pas forcément de manière automatique. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer au moment de la création la délégation aux victimes du service du ministère de l'Intérieur, qui est créé en 2008, ouais, qui est assez récent. Et le 2010, donc, créé ce protocole. Bon, sur le modèle de ce qui avait été fait avec le service de protection de la communauté juive, de Suisse, elle dit. Alors, quel est l'interlocuteur qui est choisi? Bien sûr, c'est le Conseil français des cultes musulmans, c'est la structure qui est censée être la représentation institutionnelle de contact avec les pouvoirs publics. Assez rapidement, alors au début, mais ça, peut-être vous en parlerez plus que moi, au début, le CFSM sait bien que l'organisme qui a le plus d'expérience en la manière, c'est le CCIF. Et des contacts sont pris avec le CCIF, il y a des échanges, il y a effectivement des tentatives, des propositions qui sont faites au CCIF, par le CCIF, qui sont bien reçues, bien sûr, par le CFSM, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas tout simplement parce que c'est. Bon, je vais être très, très, très, très bref. Le CFSM ne marche pas, tout simplement. Il ne faut pas chercher là, si vous voulez, des raisons idéologiques de la part des acteurs. Je crois, c'est que simplement le CCIF continue à avoir son action. Or, le CFSM, lui, ne fonctionne plus. Donc, automatiquement, cette structure ne fonctionne plus. Donc, qu'est-ce qui fonctionne, ce que vous disiez? C'est-à-dire, là, effectivement, la prise intégrale des statistiques du ministère de l'Intérieur par cet organisme qui est tenu par un seul homme, mais qui fait beaucoup de volume, qui donne l'illusion d'en représenter plusieurs, Abdallah Zekri, qui est effectivement le président de l'Observatoire de l'islamophobie. Donc voilà, l'Observatoire de l'islamophobie ne fait que reprendre les statistiques, les éléments qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur. Alors, il est évident que ces statistiques, comment elles s'organisent? Alors, vous avez la partie, si vous voulez, action, proprement dite, hein, qui vise les homicides, bien sûr, les violences, voies de fait, par ordre décroissant, violences et voies de fait, attentats ou tentatives d'attentat. Bon, incendie, mais c'est récent, c'est une catégorie qu'on aurait sans dire ça, parce que c'était pas vrai. Des dégradations, donc ça, vous connaissez, c'est les tagages, etc. Voilà. Ça, c'est, si vous voulez, ce qui est les actions proprement dites. Et dans une autre catégorie, il y a ce qu'on appelle les menaces. Alors, les menaces, c'est propos, gestes, manations, démonstrations injurieuses. Bon. Ensuite, vous avez les tracts et les courriers. Alors, ça, c'est important parce que tracts et courriers, c'est une catégorie que les services de police ont... bon, alors, je sais, il le dira peut-être, mais c'est vrai que, par exemple, l'Observatoire des données se plaint du fait que c'est pris non pas individuellement, courrier par courrier, mais parce qu'il suffit qu'il y ait une centaine de courriers envoyés de même nature, et donc on l'enregistre qu'une seule fois, si c'est enregistré dans un commissariat. C'est arrivé. Bon, tract et courrier, ensuite les inscriptions. Alors oui, des inscriptions qui ne sont pas forcément dégradations. Bon, la nuance, quelquefois, est difficile à tenir. Alors, il est évident que là, effectivement, les chiffres, là, bon, les derniers chiffres que j'ai des 10 premiers mois de 2012, hein, c'est les plus récents, hein, on donne un taux d'évolution de 58% pour les actions et de 36% pour les menaces. Alors, pourquoi, finalement, ce chiffre inférieur, je ne dis pas, et on le retrouve de manière constante, parce que les menaces, finalement, c'est peut-être celles... Et je crois que le président de l'Observatoire de l'islamophobie le dit souvent, c'est effectivement des éléments qui sont les plus volatiles, ceux qui font peut-être pas forcément l'objet de plaintes. Donc, effectivement, les courriers, si on devait recenser tous les courriers éventuels qui auraient pu être envoyés, on serait certainement dans un chiffre exponentiel. Alors que les actions, elles sont beaucoup plus palpables, elles ont beaucoup plus été fait l'objet de dépôts. Donc, c'est pour ça. Alors, simplement, il est évident que là, j'en viens effectivement islamophobie, acte anti-musulman. Au moment où la question est venue sur le tapis, c'était pas du tout un acte dire bah non, on rentre pas dans la catégorie. Il était important pour le bureau des cultes, pour le ministère de l'Intérieur, de pas être pris dans un débat duquel il n'aurait plus se sortir. C'est un peu lâche, c'est un peu, je ne sais pas comment on peut le qualifier. C'est-à-dire, ne rentrons pas dans un débat dont on sait très bien qu'il est, il peut être polémique. Et en particulier un débat de type idéologique, c'est-à-dire qu'effectivement, si, et c'est tout à fait, le CCIF par exemple a le droit de le faire, quand on parle d'islamophobie d'État, il est évident qu'à ce moment-là, l'État, il aurait été bien embêté pour recenser les actes islamophobes d'État. Donc, si vous voulez, c'est vrai que, mais la conséquence, elle est parfaitement évidente, que les chiffres du CCIF ne peuvent pas être les mêmes chiffres que ceux du ministère de l'Intérieur. Parce qu'effectivement, et vous l'avez dit, c'est les atteintes aux personnes, et en particulier aux femmes, puisque je crois que c'est jusqu'à 80%. C'est vrai que là, il y a une vraie question par rapport à la recension des actes dits anti-musulmans, islamophobes, concernant des femmes voilées. C'est une question. Écoutez, moi je crois que c'est cette semaine, une fille qui passe le permis de conduire dans l'Essonne et que l'inspectrice qui refuse de lui faire passer le permis, bon, effectivement, recours racieux, recours auprès de l'inspecteur qui contrôle le département. Non, c'est vrai, c'est pas normal et tout. Comment va-t-on qualifier cet acte, puisqu'il y a eu le rattrapage, etc. Donc on est confronté, effectivement. Donc, je ne conteste pas du tout le fait qu'il y a une partie de ce qui peut être qualifié d'acte islamophobe, mais qui ne rentre pas, qui ne peut pas rentrer dans ce qui est une comptabilisation d'État, de fait par un État. Voilà, mais ça, c'est un constat. Bon, je répondrai éventuellement à des questions, si vous avez merci. Des questions à me poser. Je donne tout de suite la parole à Maron pour... Ouais. Okay, ça va. Bon, merci à tous déjà d'être présents. Je vais essayer de pas vous emmener dans un amas de jargon statistique. Je vais juste faire un certain nombre de remarques. Vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment si y a un mot que j'utilise ou une idée que je présente qui est pas audible. Donc, la première chose déjà, c'est de faire un point de terminologie. Pourquoi est-ce que c'est important en statistique ? Parce que c'est la terminologie qui conduit à une définition. Et c'est cette définition qui dicte l'instrument de mesure. Et plus cette définition elle est précise, plus on est capable de dire, voilà, ça, ça en est, ça n'en est pas. Donc, par exemple, sur cette question de terminologie-là, essayer d'évaluer le rejet des musulmans, c'est différent d'essayer d'évaluer les actes islamophobes. On parle d'actes, donc on parle d'un événement, un discours, une insulte, une discrimination, une dégradation, une violence, un attentat, une profanation, et ainsi de suite. Ensuite, la question du mot islamophobie. Nous, on a vu très tôt qu'il y avait une discussion un peu idéologique entre deux camps qui se faisaient face. L'un qui voulait nier le phénomène dans son ensemble et qui l'associait à une critique des religions pour dire qu'en France, on a le droit de critiquer les religions. Donc l'islamophobie n'existe pas. Et on revendique même ça comme un droit. On a le droit à l'islamophobie, c'est une opinion comme une autre. Et puis en face de ça, un discours qui est radicalement opposé, qui dit même le fait de critiquer l'islam va être en vérité une espèce d'islamophobie rampante. Et ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est notre base, elle doit être la plus restrictive possible, la plus claire possible, pour qu'on puisse fédérer le plus largement possible autour de ce travail qu'on essaie de mener de quantification. Donc pour nous, l'islamophobie, c'est l'ensemble des actes islamophobes, pardon, c'est l'ensemble des actes de discrimination ou de violence qui visent des institutions ou des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam, à la religion musulmane, à la religion islamique. Et donc, ça permet d'avoir une définition restrictive. On n'inclut pas là-dedans la critique des religions. Et on n'inclut pas là-dedans le fait que ça concerne que les musulmans, puisqu'on a aussi des cas de victimes non musulmanes d'islamophobie, des gens qui sont de religion sikh, qui vont être pris pour des musulmans parce qu'ils ont une barbe, des jeunes femmes qui portent un foulard pour des raisons de mode ou de choix vestimentaires et qui vont être prises pour des musulmans et traitées de sales musulmanes dans la rue. Et donc ça va permettre d'avoir une espèce de concept normatif à propos de l'islamophobie. L'autre chose, c'est que les mots ont une vie qui leur est propre. Les concepts et les expressions ont une vie qui leur est propre. Il ne s'agit pas juste de dire, voilà, on va dicter ce que veut dire ce mot. Non, non. Il y a une manière dont les gens se saisissent du mot et ce mot-là, il fait sa vie, lui, tout seul. Et il n'y a pas de lien direct entre une instance qui va valider les mots et la manière dont les gens se l'approprient. Donc le concept qui est opérant aujourd'hui, celui qui est répandu aujourd'hui, celui qui est utilisé aujourd'hui par les citoyens, par les institutions, par les universitaires de plus en plus, c'est le concept d'islamophobie. Et comme une marque, le mot se répand. Et il se répand en fonction d'un écho, parfois émotionnel, parfois rationnel, et qui vient légitimer son utilisation. Donc, il y a tout un champ des mathématiques, de la statistique, de l'économie qui s'appelle la théorie de l'information et aussi le traitement du signal. Et à partir de ça, on peut capter, on peut quantifier la manière dont un mot s'impose dans la société, exactement comme une information financière va être intégrée par les marchés, prise en compte jusqu'à ce qu'elle devienne l'information dominante. Le mot islamophobie, la seule latitude qu'on a en vérité par rapport à ce mot, c'est de dire, ok, on sait qu'il va y avoir des mauvaises utilisations, le meilleur truc qu'on puisse faire en tant que association référente sur le sujet, c'est de le clarifier le plus possible, le restreindre le plus possible, en faire un concept le plus opérant possible. Et comment on fait ça? En étant précis et clair. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la méthodologie de quantification des phénomènes est un sujet central, encore plus dans la lutte contre les discriminations. Pourquoi? Parce que cette méthodologie-là, elle permet de faire exister un phénomène. Dire qu'il y a de l'islamophobie dans la société, ça c'est un discours politique. Dire qu'il y a 298 actes recensés et que voilà les 298 dossiers, ça c'est un phénomène. Et donc la quantification numérique, sérieuse, suivie d'une bonne méthodologie, ça permet de faire exister un phénomène. D'où l'importance sur un sujet qui est différent mais connexe, quand on discute autour de la question des contrôles aux faciès. Si on n'a pas d'instrument qui permet de mesurer le phénomène, s'il n'y a pas d'instrument qui permet pour le ministère de l'Intérieur de savoir comment est-ce que ces agents font leur travail de contrôle et de police locale, alors on n'est pas capable de dire si oui ou non il existe un contrôle au faciès. Et on n'est pas capable de donner l'incitation aux policiers de terrain, celui qui est en première ligne aux côtés de nos concitoyens, de faire un travail beaucoup plus qualitatif dans, dans ces choix de contrôle que quantitatif. D'accord ? Donc cette question de la méthodologie, elle est vraiment très, très importante. Et elle fait la différence, comme je le disais, entre la déclaration politique, parfois qui relève de l'ordre de l'incantation, et le phénomène, que ce soit une discrimination, un phénomène sociologique, un mécanisme vraiment, vraiment opérant. Cette méthodo, elle explique aussi le fait qu'on va avoir, par exemple, des statistiques différentes, parce que l'appareil de captation de l'information n'est pas le même. Il ne remplit pas les mêmes fonctions. Il n'est pas porté par la même institution. Et donc, de fait, cette différence structurelle-là conduit à des différences dans les chiffres. Un exemple simple, comme le disait Bernard, c'est que quand il y a un acte qui est vérifié, qui est existant, mais que cet acte n'aboutit pas à une plainte, comment est-ce qu'il pourrait être détecté par le ministère de l'Intérieur ? Il ne l'est pas. Pourtant, nous, on va avoir un certain nombre d'actes sur lesquels on est saisi, sauf qu'on va contacter le discriminant, on va vérifier que ça s'est vraiment passé, et on va essayer de faire un travail de médiation avec lui avant d'aller à une plainte si vraiment il ne veut pas s'amender. Le cas typique, ça va être un restaurant où on refuse de servir une femme voilée. Ça va être un employeur qui applique un traitement spécifique à des musulmans. On discute avec la RH, on explique, on demande sur quelle base juridique ils se font, et très vite, ils s'amendent et ils changent leur politique. Donc il n'y a pas de plainte, donc il n'y a pas d'acte quantifié auprès du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire aussi qu'il faut faire l'hypothèse, dans une certaine mesure, de la bonne foi des pouvoirs publics sur la question, et qui ne sont pas juste outillés pour ou informés de ce qui se passe, et que même si ça existe malheureusement, dans certains cas, la police ou le gouvernement ou le ministère de l'Intérieur n'a pas une volonté particulière institutionnelle de minimiser la quantification de l'islamophobie. Juste, ils n'ont pas forcément le dispositif pour. Donc ça explique que systématiquement, par construction, on va surévaluer les chiffres du ministère de l'Intérieur pour des raisons que je développerai un peu plus tard dans le détail. Mais la principale, c'est qu'on quantifie aussi des faits qui n'aboutissent pas à des plaintes. D'accord ? De manière plus large, on ne compte pas que des actes quand on essaie de quantifier. Pas les actes, mais le rejet des musulmans. Pourquoi ? Parce qu'il y a une idée de quantification du préjudice. En gros, c'est ça la question qu'on se pose. L'islamophobie, en tant que discours, en tant qu'idéologie, en tant que phénomène rationnel ou non dans la société française, quel est son impact ? Quel est le tort qu'elle cause par sa simple existence ? Ce tort-là, il n'est pas juste causé aux musulmans. Il est causé aussi aux non-musulmans. Pourquoi ? Il y a des indicateurs explicites quantitatif de l'islamophobie, ça va être les actes, les occurrences de discours islamophobes sur Internet et ainsi de suite. Mais il y a des conséquences beaucoup plus difficiles à palper de l'islamophobie. C'est par exemple la destruction progressive du lien social entre les gens. Comment est-ce qu'on mesure la division qui existe entre les citoyens ? Comment est-ce qu'on mesure ça ? Pourtant, on sent bien que dans les 10-15 dernières années, il y a eu une détérioration de ce lien, de ce sentiment peut-être fantasmé d'unité française. Et ça, on voit que aussi dans les discours politiques, dans l'évolution de ces discours, il y a un discours qui, plutôt que de construire une narration collective, un projet collectif, une projection collective dans laquelle les gens peuvent se reconnaître, peuvent s'identifier et dire voilà, c'est ça le projet de société auquel j'ai envie de participer, eh bien non, ils vont être en situation de diviser les gens, de poser des clivages dans cette société, et on voit que ces clivages, ils sont d'autant plus opérants que ça se ressent ensuite dans des enquêtes d'opinion où on perçoit l'autre, dans la notion la plus élémentaire d'altérité, comme un danger, comme une menace, comme quelqu'un de très différent, quelqu'un dont la foi ou la pratique religieuse ou l'identité est absolument irréconciliable avec la mienne. Et ça dépasse les questions de méthodologie de sondage ou d'études d'opinion. Donc, cette quantification du préjudice, elle inclut nécessairement des instruments quantitatifs, de l'étude scientifique, de l'enquête d'opinion, de la quantification d'actes avec des règles très, très, très strictes dans l'accumulation des données, mais elle doit également inclure des études qualitatives à base d'entretien, à base d'études substantielles, de phénomènes, avec un regard de chercheur, avec une distanciation vis-à-vis du phénomène. Et si on a très tôt travaillé avec des instances internationales comme l'ONU, l'OSCE, le Conseil de l'Europe, c'est qu'on voyait que la prise en compte d'un certain nombre de discriminations à leur échelle était beaucoup plus effective qu'au niveau national. Pour une raison simple, c'est que souvent, un gouvernement peut avoir une difficulté à reconnaître un racisme, une discrimination, un phénomène politique problématique dont il peut être partie prenante. Cette année, par exemple, juste un exemple qui n'a rien à voir, j'ai vu des articles excellents et des études excellentes au Japon à propos de l'islamophobie en France. Et vraiment, avec une finesse d'analyse, des nuances, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus difficile pour des chercheurs japonais, des journalistes japonais, des figures politiques japonais, de dresser un tableau aussi précis du racisme anti-coréen, du racisme anti-chinois sur le sol japonais. C'est beaucoup plus difficile. Et là-bas, ce travail d'institutionnalisation de ces formes de racisme, il est parfois beaucoup plus opérant même que ce dont on parle en termes d'islamophobie ou de racisme anti-rom en France. Donc de fait, les États ont beaucoup de difficultés à reconnaître par eux-mêmes un certain nombre de discriminations qui ont lieu dans leur pays. Et dans le cas de la France, pays des droits de l'homme, ça participe de la marque France, de l'identité, de l'image française à l'international. C'est beaucoup plus difficile de dire, voilà, il existe un certain nombre de racisme en France et on ne s'en sort pas très bien pour lutter contre lorsqu'il s'agit de lutter. On n'est pas très efficace. Et on n'est pas plus efficace que tel ou tel autre pays qu'on pointe du doigt à l'Assemblée des Nations. Donc ce travail-là, il a pu être plus facilement mené, et aussi le fait que, comme c'était des instances supranationales, elles ont des éléments de comparaison. Donc je pense par exemple à un bureau qui fait un travail remarquable sur ces questions-là, c'est l'ODIHR. ODIHR, c'est l'Office des droits de l'homme de l'OSCE. L'OSCE, en gros, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et ils ont un bureau dédié à la question des droits de l'homme qui s'appelle l'ODIHR. Et dans ce bureau-là, ils traitent, au sein de plusieurs équipes, d'antisémitisme, de racisme anti-rom, de négrophobie, d'islamophobie, de racisme antisique, et ainsi de suite. Et donc, ils ont ce recul sur les différentes formes de racisme et sur les méthodologies qui sont utilisées à la fois par les pouvoirs publics pour lutter contre, à la fois sur le terrain juridique, dans l'arsenal qui est à la disposition des États pour lutter contre ces phénomènes, mais aussi d'un point de vue purement méthodologie statistique, de quantification et d'accumulation des données. Et donc ça nous a énormément aidé de voir qu'est-ce qui se faisait dans d'autres pays sur d'autres formes de racisme et qu'est-ce qu'on a envie de reprendre, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, est-ce qu'il y a quelque chose à côté duquel on est passé. Et un des grands éléments à côté duquel on était largement passé pendant les premières années d'existence du CCIF, c'est qu'on compilait essentiellement des données à propos des victimes. On se disait, voilà, ces victimes, il faut en savoir le plus possible à propos d'elles, et l'acte de discrimination ou de violence en question, il faut essayer de le substancier le plus possible. Et on passait complètement à côté de l'agresseur, à part son nom, on n'avait pas grand-chose en termes d'informations. Pourtant, qu'est-ce qui est décisif dans le passage à l'acte? Est-ce que c'est quelque chose que la victime a fait, ou est-ce que c'est quelque chose qui tient au schéma de représentation que se fait l'agresseur de la victime? Et on voit que, dans les faits, dans le passage à l'acte, c'est ce schéma de représentation-là qui est décisif. Il n'existe pas un seuil d'islamité, de judaïté, d'appartenance à la communauté rome ou non, en dessous duquel les gens vont être acceptés dans un contexte où le schéma de représentation va à leur encontre. Il n'y en a pas. Et on voit qu'il y a malheureusement des parcours d'aliénation où les gens se renient au fur et à mesure en essayant de trouver une place, de finalement être acceptés. Ça ne marche pas. Enlève ton étape, tu as ton foulard. Enlève ton foulard, d'accord. Maintenant, rase-toi, d'accord. Couche-toi, d'accord. Maintenant, dors. Et il n'y a pas un moment où on va dire, ça y est, c'est bon, vous êtes assez modéré. Vous les musulmans, ça y est, vous êtes assez modérés, vous êtes assez sages. Maintenant, on veut bien de vous, on vous accepte. Ça n'existe pas. Et au fur et à mesure, le discours raciste se recompose pour viser des formes minorées au fur et à mesure qu'on va pointer du doigt, parce qu'en vérité, c'est ce groupe-là qu'on vise. Donc face à ça, il faut tenir un discours de vérité, de dire qu'il y a quelque chose qui tient à l'image que les musulmans peuvent renvoyer, que les roms peuvent renvoyer, que les juifs peuvent renvoyer. Et ça, c'est un travail que chaque communauté doit faire pour être le plus inclusif possible et participer le mieux possible à la société où ils vivent. Mais ce qui est décisif en matière de racisme, c'est bien les schémas de représentation que vont se faire les agresseurs, les discriminations à propos de la population cible. Donc ça, c'est un des points qu'on a inclus ensuite dans notre méthodologie. L'autre chose, c'est d'être conscient des biais dans l'accumulation des données. C'est quoi un biais? En fait, ça va être une errance, une erreur qui est due au système d'accumulation des données, à la manière dont les questions sont posées, à la structure et au dispositif au travers desquels ces données-là sont recueillies. Il y en a plusieurs dans le cas qui nous intéresse. La première, c'est un biais cognitif très simple, c'est que tous nos dispositifs et toutes nos analyses, de manière générale, quelle que soit la science, sont principalement basés sur l'étude d'événements. Et on juge les événements comme étant significatifs dans l'analyse d'un phénomène. Mais les non-événements aussi, ils sont intéressants. Il y a eu un jour où il y a eu un acte de terrorisme de la part de telle personne, et il y a eu 364 jours où 5,9999 millions de musulmans qui vivent en France n'ont pas commis d'acte terroriste. Est-ce que cette vérité-là est moins informative que la première? Ça, c'est un non-événement, mais il a un pouvoir informatif qui est au moins égal. La manière de le dire dans l'histoire aussi, c'est que l'histoire, c'est une accumulation d'événements. Mais on passe complètement au travers des choses qui ne se sont pas passées ou qui ne nous ont pas été relatées. Soit parce que c'est le perdant de la bataille qui n'a pas eu droit au chapitre, qui n'a pas eu voix au chapitre, et donc on n'a pas pu le voir. Soit parce que, effectivement, on a considéré que cet événement n'était pas significatif en soi et digne d'être rapporté. La deuxième chose, c'est qu'il y a un biais victimaire. Comme le disait Marouane tout à l'heure, et vous l'avez repris aussi, Bernard, il y a un faible taux de renvoi. Il y a peu de personnes qui vont déposer plainte ou aller en justice. Pourquoi ? Pour plein de raisons. La première, c'est que quand on est victime d'un certain nombre d'actes ou de discriminations, certaines d'entre elles sont humiliantes, et plus une discrimination ou un acte est humiliant, moins on a tendance à le rapporter. C'est vrai pour les cas de viol, c'est également vrai pour les discriminations et les violences racistes. Souvent, quand on interroge, nous, des victimes, elles nous disent « mais ça sert à rien, au bout du compte, c'est... peut-être qu'on doit juste vivre avec, peut-être que c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de mal, peut-être qu'ils ont raison, on ne fait pas partie de cette société, on devrait partir, peut-être ». Et donc ce discours-là, ce biais victimaire, il est bel et bien à l'œuvre. Le troisième biais, c'est un biais de notoriété. Les gens ne savent pas forcément que telle action ou telle discrimination est purement illégale. Et quand ils savent qu'elle est illégale, ils ne savent pas forcément que la police peut recueillir leur témoignage ou le CCIF peut recueillir leur témoignage et qu'il existe bel et bien des institutions qui vont se porter à leur côté pour faire valoir leurs droits. Et dans ce sens-là, une mesure directe de l'impact, ça va être, par exemple, là, on vient de terminer une campagne de communication pour le CCIF et on voit une explosion des cas qu'on nous rapporte. Ça ne veut pas dire que l'islamophobie a explosé de manière causale par rapport à notre campagne. Ça veut juste dire que plus de victimes sont plus au courant qu'il existe des associations qui sont là pour les aider et qui nous contactent parce que maintenant, elles ont le numéro de téléphone pour le faire. Et puis le dernier, c'est celui qui est le plus triste au bout du compte, c'est que les victimes perçoivent le gouvernement, perçoivent la police, pas forcément comme quelqu'un qui va les aider à lutter contre l'islamophobie. Et beaucoup d'entre eux, quand ils viennent nous voir et qu'on les incite à déposer plainte, ils disent « mais non, mais j'en viens du commissariat ». Et quand j'étais au commissariat, on m'a dit qu'il n'y a pas de quoi se plaindre. Et on va avoir des officiers de police, soit parce qu'ils ne sont pas formés, soit parce qu'ils induisent un biais idéologique dans leur travail, qui vont dire à des victimes qui viennent de se faire arracher leur foulard, cracher à la figure, insulter, « bon, ça va quand même, c'est bon. Vous n'avez pas de droit de malade, vous avez la raison, vous n'avez qu'à enlever votre foulard si vous allez à la salle de sport. Non, mais en France. » Et donc, on va avoir des cas comme ça. Et c'est seulement quand un de nos avocats ou une de nos conseillères juridiques va accompagner la victime que la plainte va être prise effectivement. Et si on n'arrive pas à disqualifier la plainte, eh bien on va la requalifier juste en, sous forme de main courante ou avec, en minorant un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'on peine à prendre la mesure de la gravité de la gravité de l'acte. Et pour contrer ça, d'abord, il y a une réelle prise en compte à opérer au niveau du ministère. Et puis, de notre côté, il y a une vraie incitation, un travail en bonne intelligence où systématiquement, quand effectivement il y a un cas de discrimination qui est substantié et documenté, on incite les victimes à déposer plainte. Et quand elles déposent plainte, on les incite à aller au procès. Et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut continuer jusqu'à ce qu'elles aient gain de cause quand effectivement la discrimination ou la violence est avérée. Et je termine en donnant deux points qui sont deux projets pour le CCIF. Le premier, c'est à l'échelle européenne. Donc, c'est des projets qui vont se faire sur 2013. Le premier, c'est à l'échelle européenne, harmoniser les méthodologies de collecte des données à propos des actes islamophobes. Et ça, à travers une dizaine de pays de l'Union européenne. Ça va se faire en partenariat avec le Conseil de l'Europe. Puis la deuxième chose, c'est une enquête de victimation, pas de victimisation, de victimation, pour justement... Auprès de la population cible, auprès de la communauté musulmane, essayer de quantifier avec des éléments de preuve de premier niveau, voire de deuxième niveau, quel est d'abord le sentiment qu'ils ont vis-à-vis de discrimination ressentie ou effectivement avérée, et quand elles sont plus que ressenties, qu'elles sont effectivement avérées, quel niveau de preuve on est capable de substancier pour faire exister le phénomène. Et on attend, d'un point de vue strictement méthodo, à se rapprocher des chiffres que tu as annoncés, en matière de conditions musulmanes, à savoir le réel préjudice que cette communauté peut ressentir. Voilà. Merci. Merci Marwan. Il nous reste 20 bonnes minutes.